Si vous marchez dans mes chemins, si vous gardez ma loi, je ferai tomber la pluie en son temps, je dresserai la paix dans vos pas. La terre donnera son fruit, les saisons ne manqueront pas, vous mangerez à satiété et la peur quittera vos toits. Je serai au milieu de vous, je marcherai parmi vos jours, vous serez mon peuple et je serai votre secours. Plus rien, je ferai germer le matin.